Tu croyais qu'on allait faire quoi? Se marier dans un mois. De ton ignorance, sauve-moi. Oui, tu croyais qu'on allait faire quoi? On a juste baisé comme ça. C'était l'été, c'était la nuit, voilà. Détache tes bras de moi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Est-ce qu'on peut être encore crédule? J'ai rêvé de libellules. Au réveil, y avait que des tarentules. Oui, faudrait peut-être réveiller. Ici, c'est pas bon de rêver. Mais non, tu ne vas pas crever. Détache tes yeux de moi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Qu'est-ce que tu deviens? Je m'en fous mais j'aimerais savoir. Je m'en fous mais j'aimerais savoir. Je m'en fous mais j'aimerais savoir. Je m'en fous mais j'aimerais savoir. Je m'en fous mais j'aimerais savoir. Détache ton amour de moi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi.